Chi sì che ti suona la chitarra?

right in front of, right in front of me. Going to the show, popping on the Monday, playing rock and roll. T'as cassé aigu quoi. It's a long way to the top. A long way to the top. I wait you in. I'm on a highway. I'm on a highway. Ouais, petit. pas, moi, je fais n'importe quoi. J'espère que j'ai pas appuyé sur le... Ah, j'ai mal au dos, putain. Bon, les téléphones, c'est à la fin. Bon, allez, Titi, à chaque fois, ça finit par un téléphone. Bon, allez. Titi, tu sais faire argent trop cher le refrain? C'est quoi ces accords? Là, si? C'est bizarre. C'est pas des accords. Là, il y a des accords sur internet. Simple. We'll be right back. envie. Thank you. Thank you.